Bonjour, bienvenue à bord. Vous êtes dans La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Nous en sommes à la 283e émission. Donc si vous avez envie de les écouter toutes les émissions, eh bien, il vous faudra passer 11 jours non-stop à le faire. Sachez que nous avons une adresse si vous avez envie de nous écrire, lacroisierefolk@yahoo.com. Et puis on a la page Facebook également où on poste pas mal de vidéos. Et justement, John and Paul avec Take Me Home to Wales, eh bien, elle est postée sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite, eh bien, on va poursuivre. Donc, John and Paul, c'est ce qu'on vient d'écouter, avec Sarah Salverius et le Sun Sun Sun, le groupe Sun Sun Sun. Sachez qu'ils ont reçu un prix lors des Flanders Folk Awards pour The Best Band Live. Le projet de ce groupe est pour l'accordéoniste Sarah Salverius et Sun Sun Sun, et cet extrait de son album Pendulum qui traite de la connexion entre la joie et la tristesse, le bien et le mal et les mondes intérieurs et extérieurs. Donc le morceau qu'on va écouter qui s'appelle Ray of Light, j'ai oublié de vous préciser que c'était ce qu'on allait écouter. Et puis juste après Spillar, c'est un autre groupe qui a aussi reçu un award au Flanders Folk Awards 2025, avec le morceau qu'on va écouter, cette Hope Vorreut, En avant l'espoir, extrait de leur album de 2024, Van Dagen en Alle Dagen, aujourd'hui et tous les jours. Alors, le jury l'a qualifié de disque captivant d'un groupe qui est en passe de devenir un classique de la scène folk, rien que ça. Leurs racines profondes résonnent clairement, mais elles sont traduites dans le présent d'une manière fraîche et contemporaine. Spillar, donc j'espère que vous allez apprécier. Et puis il y aura Azilis Mandro avec l'hymne des femmes celtes. Et sachez qu'elle a sorti son nouveau CD et Tout prend vie est disponible dans les bacs. Bienvenue, c'est La Croisière Folk. J'espère que vous et moi, nous allons faire un magnifique voyage. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La croisière folle. Good vibrations. Vrais et loin, mon air zen grave éternel. Luna Havas, par fraude de l'Uranon d'Aulagan, par vos À l'instant, dans la croisière folk, Azilis Manro avec l'hymne des femmes celtes. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission où vous avez la possibilité de découvrir un album d'hier ou d'aujourd'hui en trois chansons. Et aujourd'hui, l'album, c'est l'album de The Memory Band à Common Treasury. C'est un collectif musical qui était fondé par Stephen Cracknell et lié à son label Hungry Hill. Le groupe fonctionne avec une formation en constante évolution, favorisant l'expérimentation et la diversité artistique. Parmi ses membres et collaborateurs figurent Liam Bailey, Al Doyle, John Thorne, ainsi que les chanteuses folk Nancy Wallace, Lisa Knapp et Jenny McCormick. Leur musique oscille entre folk traditionnel, expérimentation ontologique, psychédélisme, enregistrement de terrain et musique de films mystérieuse. Ils ont sorti Never the Same Way Twice, c'est une compilation retraçant leur parcours musical éclectique. Leur nouvel album, A Common Treasury, prolonge cette exploration en mettant l'accent sur leurs facettes plus mélodiques et folk, contrairement au précédent qui intégrait davantage de sons enregistrés et de spoken word. Ce disque met en avant l'écriture et le chant. Il constitue une excellente introduction à leur univers, synthétisant plusieurs facettes de leur style, tout en étant cohérent en tant qu'album. Et on écoutera trois morceaux, Falderal All Day, One Morning et Calling On Again. Bienvenue, c'est la croisière folk que vous écoutez et vous avez bien raison d'être présent. 1, 2, 3, lancez la musique. « I'm alive to the things you die. Moving in the late to let me go. Something in your soul should never show. I can read that and I can see, but I lie too deep and I know. It's the calling, calling on. The calling is calling on me. Never try to be nobody I didn't want to be when it's time to let me go. If there's something obstacles I'm facing, but so damn it, let me know. Calling on, I'm calling on. Though the hate, calling on, that is the night time. With your memory is high to the dancing, and the tumbling and the light of the green sing. Calling on, though the hate. That's the night time. Here comes the babe. We call it on. Know the hate. That's the night time. Here comes the babe. Put the other side. Know the hate. Come on, that's the night time. Call on, call on. Here comes the babe. Here comes the babe. Here comes you, man. Dance the night time. Here comes the rain. Here comes the rain. Here comes the rain. Come the rain. It's calling on. Calling on. Calling on. Calling on. Calling on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Calling on. I am calling on. Calling on. I am calling on. Dans 1, 2, 3 aujourd'hui, eh bien, on a découvert un album, celui de 2024 de The Memory Band à Common Treasury. Et on a écouté trois morceaux, Fall Day, Rall All Day, One Morning et Calling All Again. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie ? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et tout de suite, voici la minute astuce. Alors, dans cette minute astuce, je vais vous donner un petit truc pour nettoyer une râpe à fromage. Alors, la râpe à fromage, eh bien, c'est une invention merveilleuse, mais c'est tellement compliqué lorsqu'il s'agit de la nettoyer. Alors, voici la solution. Il suffit de passer un demi-citron avant de la laver. L'acidité du citron empêche le fromage de rester collé à la râpe. Il suffit de la rincer et le tour est joué. Et puis je vous propose maintenant de continuer en musique, si vous le voulez bien, avec le groupe belge Jaune Toujours et la chanson « Tout ce que tu veux ». Il faut savoir qu'en 1999, donc en 99, ils ont décidé de créer leur propre collectif d'artistes. Ils ont comme ça organisé leur propre management et leur propre label sous le nom de Chou de Bruxelles. Alors tous les projets de Chou de Bruxelles accordent une grande importance au multiculturalisme. Et si vous voulez jeter un coup d'œil, eh bien vous allez sur leur site, c'est chou.net, chou, C-H-O-U-X. Et on écoutera après Balsam Range, extrait de leur album Paper Town, un album de 2012, Other Side of the Mountain, et Crown Pasteur avec Catch the Wind, un morceau de Donovan. La croisière folle. Good vibrations. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Rendez-vous est vraiment tout ce que tu voudras. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Tu démets vraiment tout, est-ce que t'y crois? Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Rendez-vous est vraiment tout ce que tu voudras. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Tu démets vraiment tout, est-ce que t'y crois? Comment définir ce que tu veux devenir? Jamais arrêter de croire que tu peux réussir. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Tout ce que tu veux, mais ne fais pas n'importe quoi. Try to become what you want, not what they want you to be. You want to be all you can be. Ce que tu veux devenir, rendez-vous est vraiment tout ce que tu voudras. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Tu démets vraiment tout, est-ce que t'y crois? Définir ce que tu peux réussir. Ne choisis pas qui tu es, mais qui tu veux devenir. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Tout ce que tu veux, mais ne fais pas n'importe quoi. Rendez-vous est vraiment tout, est-ce que t'y crois? Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Tu démets vraiment tout ce que tu voudras. Tout ce que tu veux. Faire ce que tu peux. Ce que tu veux, rien entre les deux. Tout ce que tu veux.

J'espère que cette croisière se déroule pour le mieux du monde. Eh bien, sachez que nous allons passer maintenant à notre petite poésie. C'est Victor Hugo, une chanson pour faire danser en rond les petits-enfants. Et ce poème sera lu par Isabelle Carré. Alors, c'est un poème qui est tiré du recueil « L'art d'être grand-père » paru en 1877. Alors, ce recueil, empreint de tendresse et de douceur, témoigne de l'amour du poète pour ses petits-enfants. Ce poème ludique et chantant est conçu comme une comptine destinée aux enfants avec un rythme entraînant et des images joyeuses, évoquant la nature et l'innocence de l'enfance. Il s'inscrit dans la tradition des chansons et rondes enfantines où le langage simple et musical invite au jeu, à la danse. À travers ce texte, Victor Hugo célèbre la joie et la spontanéité des tout-petits tout en transmettant un sentiment de légèreté et de bonheur familial. Et puis juste après, il y aura Crossroad Creek, Still Look Good in Blue, Menaya Folk à base verde et Picnic avec Musica. Grand bal sous le tamarin, on danse et l'on tambourine. Tout bas, parle, sans chagrin, Maturine à Maturin. C'est le soir. Quel joyeux train. Chantons à pleine poitrine au bal plutôt qu'au lutrin. Maturin, Maturine, Maturine à Maturin. Découpé comme au burin, l'arbre au bord de l'eau marine est noir sur le ciel serein. Maturin, Maturine, Maturine à Maturin. Dans le boire aux 10 ans grains, le magister endoctrine un moineau pillant le grain. Maturin, Maturine, Maturine à Maturin. Broutant l'herbe brin à brin, le lièvre a dans la narine l'appétit du romarin. Maturin à Maturine, Maturine à Maturin. Sous l'ormeau, le pèlerin demande à la pèlerine un baiser pour un quatrain. Maturin à Maturine, Maturine à Maturin. Derrière un pli de terrain, nous entendons la clarine du cheval d'un voiturin. Maturin à Maturine, Maturine à Maturin. You as you floated down the aisle, we shared our vows with our hopeful smiles. Your flowers shone bright as a bluebird feather as we began our lives together. 'Cause you sure looked good in blue, I couldn't help but fall in love with you. Picture locked in time is forever on my mind, and you sure look good in blue. That night I was burst with joy when I saw you hold our baby boy. As tender, as tender as his blanket, soft and blue. You, 'cause you sure looked good in blue. Couldn't help but fall in love with you. Your picture locked in time is forever on my mind, and you sure looked good in blue. races. Future is as wide as a deep blue sea. I never dreamed you'd share all that with me. 'Cause you still look good in blue, and I'm still in love with you. Your picture locked in time is forever on my mind, and you still look good in blue. And you still La croisière folk. C'est absolument génial et fantasmagorique. La ciudad. La croisière folk. Wow, I feel good. Oh, I was born with a name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care, but all my love I was saving. Oh, the winds blew high and the trees did sway. Not much from life was I asking, till I met someone to give all my love. All my love so long and lasting. All good were the parts we played in our game, and a long ways off was tomorrow. But my love was a rambler and a restless as the sea. And in the tide came sorrow. Oh, a child of the night is gone to be born. I can't explain my confusion. Is my love thinking to marry me at all? Or of the freedom he thinks he'll be losing? I sit with my friends in the gay crowded rooms. My friends, they're smoking and talking, but it all seems so empty. My love is not there. So I'll go into the streets walking. My baby is a-growing as a-growing it must. If I were to lose it, it would grieve me. My love is so helpless and I'm wondering what to do. Oh, how I yearn to help him. Oh, we could go to the land of your choice, where the false shame won't come knocking at our door. I have a feeling in my heart and it's crushing all my hope. I think I'm gonna be hurt some more. Oh, born with the name Geraldine. With hair coal black as a raven, I travel my life without a care. I put all my love I was saving. Et voilà, c'est ici que se termine cette croisière folk pour aujourd'hui. J'espère que la programmation vous a plu. Tiens, avant de vous quitter, en fait, vous ne le savez peut-être pas, parce que c'est vrai que je ne le raconte pas toujours, je ne le dis pas assez d'ailleurs. Si vous avez envie de réécouter les émissions, il y a une plateforme qui s'appelle ir10.at. Et donc là, vous tapez la croisière folk. Et je me suis dit, avant de commencer l'émission, que j'allais regarder un petit peu les statistiques. Alors c'est extraordinaire parce que les personnes qui nous écoutent, eh bien il faut savoir que les plus nombreux sur cette plateforme à nous écouter, c'est les Français. En deuxième position, les USA. En troisième position, l'Inde. La Malaisie en quatrième, les Philippines en cinquième, l'Allemagne en sixième position, la Belgique ne vient qu'en septième position, le Royaume-Uni huitième, la neuvième position c'est les Pays-Bas et la dixième position, le Cambodge. Alors parmi les villes qui nous écoutent, il y a Paris, il y a Kiev, et là on salue spécialement les habitants de Kiev, on les soutient aussi, j'espère que la musique les soutient moralement. On est écouté à Johannesburg, à Sydney, à Abidjan, à Springfield. Et mais attendez un petit peu, Springfield, c'est pas la ville où habitent les Simpsons? Et vous pensez qu'ils nous écoutent? On est écouté à Bangkok, à Amsterdam, à Lisbonne aussi. Et puis je salue tous les auditeurs qui nous écoutent aussi depuis les villes comme Bruxelles, comme Charleroi, comme Namur et Mons. Voilà, si vous aussi vous nous écoutez d'une ville en particulier que je n'ai pas citée, n'hésitez pas à nous écrire. La Croisière Folk, c'est notre adresse, lacroisierefolk@yahoo.com. Et puisqu'on a fait un poème sur l'enfance, eh bien je vous propose qu'on se quitte avec une chanson folk qui est destinée aux enfants. Penny et Peggy Seeger avec Crocodile Song. Merci de votre fidélité, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous pour une nouvelle croisière la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Je voulais savoir si vous n'avez pas vu un témoin, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'est planqué dans votre propriété. Là. Un témoin de quoi? Bah pas un témoin de Jéhovah, hein. Un témoin de meurtre. Bah, je reviens à Belgique là aujourd'hui. J'étais chez ma mère pour une journée, aller-retour. Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait. La mer était déchaînée. Et j'ai dû me pencher en avant. Vous savez comment j'aime la vie, hein. J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules called CO2 qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a pousser la matière, la masse moléculaire, et avait plus d'impact sur mon corps. Donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que ce n'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. When that I was shipwrecked and driven from the shore, and all I had to go around the country to explore was me right fullerity, whack fullerity, chuck fullerity day. Then steering up the other side, I found a crocodile. From the tip of his nose to the end of his tail, he was 10,000 miles with me right fullerity, whack fullerity, chuck fullerity day. I bore away from his head one day with every stitch of sail, and going 9 knots by the log in 10 months reached his tail with me right polarity, whack polarity, chuck polarity day. Crocodile, you see, was not of the common race, for I had to get up a mighty tall tree to look into his face with me right fullerity, whack fullerity, chuck fullerity day. The wind was blowing hard and blowing from the south. The tree had broken down, I fell into the crocodile's mouth with me right fullerity, whack fullerity, chuck fullerity day. The crocodile, he set his mouth, he thought he had his victim. But I went down his throat, you see, and that is how I tricked him with me. Right, fularity, whack, fularity, took fularity day. I roamed about his throat until I found his maw, and there was bullocks' heads and hearts laid up there by the score with me. Right, fularity, whack, fularity, took fularity day. The crocodile was getting old and shortly after died. It took me 6 months and 42 days to work a hole up through his side with me. Right, fularity, whack, fularity, took fularity day. Come all ye people and listen to me if you ever travel the Nile. 'Tis where I fell you will see the shell of the wonderful crocodile with me. Right, fularity, whack, fularity, took fularity day. De ton regard, j'ai trébuché, je suis tombé, m'empêchant de voir avec clarté. J'essayais de remonter, toujours en gardant l'espoir que s'écrive notre histoire.